Rastignac s'en alla vers 5 heures, après avoir vu Madame de Beauséant dans sa berline de voyage, après avoir reçu son dernier adieu mouillé de larmes, qui prouvait que les personnes les plus élevées ne sont pas mises hors de la loi du cœur et ne vivent pas sans chagrin, comme quelques courtisans du peuple voudraient le lui faire croire. Eugène revint à pied vers la maison Vauquer par un temps humide et froid. Son éducation s'achevait. « Nous ne sauverons plus le père Goriot, » lui dit Bianchon, quand Rastignac entra chez son voisin. « Mon ami, » lui dit Eugène, après avoir regardé le vieillard endormi, « va, poursuis la destinée modeste à laquelle tu bornes tes désirs. Moi, je suis en enfer, et il faut que j'y reste. Quelque mal que l'on te dise du monde, crois-le. Il n'y a pas de Juvénal qui puisse en peindre l'horreur couverte d'or et de pierreries. »